On continue tout de suite avec la chronique de Doris et Vincent de Roguin. Pour cette première chronique, Doris était à Bruxelles et Vincent était au Festival Archipel. Donc, elles se sont parlé par ordinateur interposé de l'album de Clara Lévy, 13 visions. Et on écoute tout de suite. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Aujourd'hui, tu présentes un album qui s'appelle 13 Visions de Clara Lévy. J'ai écouté et je me suis demandé déjà c'était qui Clara Lévy et avec quels instruments est-ce qu'elle jouait ces morceaux, parce que c'est quand même des sons longs et voilà, je sais pas. En fait, on dirait à la fois que c'est d'un instrument... un instrument classique, et on dirait à la fois que ça a été fait à l'ordinateur ou avec un synthé ou un truc comme ça. Wow, c'est intéressant que tu dises ça parce que en fait Clara Lévy est une violoniste, donc née à Paris en 1991, et quand je lisais les notes sur les notes de pochette sur l'album, elle parle d'utiliser le violon, mais aussi d'utiliser le violon avec une approche un peu électronique. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas frappé à l'écoute. Moi, j'entendais beaucoup de violon acoustique, mais c'est intéressant que tu relèves ça, parce que je crois que elle, en tout cas, ça faisait partie d'une des idées qu'elle avait. Dans la formation de ce disque, c'était aussi de s'approcher de certaines sonorités ou certains aspects de la musique électronique qu'elle, je pense, qu'elle apprécie. Et donc, Clara Lévy, elle est violoniste, elle vient plutôt de la musique... contemporaine, écrite. Et là, je crois que c'est son premier disque qu'elle fait sous son nom, qui est donc sorti sur un label basé à Bâle, en Suisse. Un label qui est co-dirigé par Mara Winter et Clara de Assis, qui sont deux musiciennes aussi qui travaillent entre des musiques anciennes et des musiques contemporaines et expérimentales. C'est un disque qui comporte 13 pièces, basé sur des interprétations, si on veut, d'idées et de compositions de deux femmes qui ont vécu à nombre de siècles de distance, Hildegard von Bingen au XIIe siècle et Pauline Oliveros, qui est décédée en 2016 et qui était née au début des années 30. Avec maman, on a fait un peu de la recherche et genre, c'est pas en mode deux femmes qui vivent avec des femmes ou un truc comme ça. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pauline Oliveros était lesbienne et elle l'a affirmé assez tôt et qu'elle avait vraiment un parcours tout à fait atypique dans son domaine, qui était quand même la musique expérimentale. Elle, c'est vraiment une pionnière de la musique électroacoustique. Dès le début des années 60, elle fait ses premières expérimentations à San Francisco. Hildegard von Bingen, elle était une abbesse qui a vécu toute sa vie dans un cloître, et qui était une mystique, une visionnaire, une poétesse, qui a fait énormément de recherches et d'écrits autour de la botanique, les plantes, la nature en général, et qui était surtout une compositrice. Et donc le lien entre Pauline Oliveros et Hildegard von Bingen, c'est que c'est deux compositrices assez atypiques qui se rejoignent à beaucoup de niveaux. Pauline Oliveros est très connue pour avoir fait des pièces relativement statique, avec des bourdons, des drones, et Hildegard von Bingen est célèbre pour ses pièces monophoniques, si on veut, avec juste une mélodie, souvent accompagnée d'un bourdon. Donc je pense pour Clara Lévy, il y avait aussi une sorte de rencontre potentielle entre ces deux esthétiques et entre les deux pratiques musicales de ces deux femmes. J'ai aussi remarqué que quand même les titres étaient assez bizarres. Il y en a un qui s'appelle « Un ver de terre dans une tombe ». Je me demande bien d'où ça vient, enfin. Alors, je ne connais pas assez bien Hildegard von Bingen pour savoir si c'est des titres qui sont issus de ses propres visions, mais je sais qu'elle avait des visions depuis son enfance. Et c'était vraiment une visionnaire. Les visions qu'elle a compilées plus tardivement dans des recueils qui sont devenus très célèbres après. Et elle, elle a été canonisée, je crois, au XXe siècle, Hildegard von Bingen. Mais son parcours, en tout cas, l'a amenée à jouir d'une certaine liberté à son époque. Et on peut considérer certains de ses écrits comme de la poésie. Elle était illustratrice aussi. Elle était peintre, si on veut. Elle a illustré beaucoup de ses propres recueils. Avec des illustrations assez incroyables, je te recommande chaudement d'y jeter un coup d'œil. Et il est possible que les titres de Clara Levy proviennent de certains des textes de Hildegard von Bingen ou alors de Pauline Oliveros, ça je sais pas. Ah, donc c'est pour ça que l'album s'appelle 13 Visions. Alors l'album s'appelle 13 Visions ou 13 Visions parce qu'il est tiré en fait d'une collection de pièces, il me semble, de Pauline Oliveros qui s'appelle 13 Changes, qui date de 86, pour violon. Il me semble que Hildegard von Bingen est autrice d'un recueil qui compile 10 de ses visions qu'elle a eues depuis l'enfance. Donc je pense que là, il y a vraiment une rencontre entre les deux noms, enfin les deux titres. Et Clara Levy, elle a vraiment utilisé cette pièce de Pauline Oliveros, 13 Changes, et les mélodies de Hildegard von Bingen, en y apportant sa propre contribution, c'est-à-dire qu'elle en a fait une réinterprétation et qu'elle a vraiment cherché à créer une rencontre entre ces deux univers, avec son approche très personnelle à elle, qui produit une musique qui est très belle, qui est très qui a quelque chose de très très contemplatif, je trouve. Ça, c'est plus une question par rapport à donc Clara Levy, mais en fait, dans quelles conditions est-ce qu'elle écrivait sa musique et dans quelles conditions est-ce qu'elle jouait, enfin, du coup, elle écrivait pas sa musique, mais dans quelles conditions est-ce qu'elle jouait cette musique, parce qu'on entend pas mal de résonances, et donc est-ce qu'elle fait ça en studio, enfin. Alors, je crois que, enfin, je suis même sûr que son disque, elle l'a enregistré dans une église. Il me semble en Alsace ou peut-être du côté balois en Suisse, et la forte résonance qu'on entend, la réverbération est clairement issue de cet enregistrement assez soigné, d'ailleurs je dois dire c'est vraiment un bel enregistrement qui a été enregistré dans des conditions qui ramènent clairement à comment la musique était jouée au XIIe siècle, c'est-à-dire quelque chose de sacré. Enfin, une musique qui avait une fonction liturgique. Les compositions de Hildegard von Bingen sont souvent très simples, quoi. Elles sont souvent basées autour d'une mélodie simple et accompagnées d'un bourdon, ce qui souvent produit des choses assez belles dans des églises parce que tu peux laisser les choses résonner et l'espace devient en tant que tel une composante importante de l'expérience sonore. Alors, juste pour préciser, Clara Levy vient jouer à Archipel le jeudi 6 avril. Super, merci Doris. Merci, au revoir.